savoir, ne plus y croire. Je ne veux qu'elle. Oh, oh. Je ne veux qu'elle. J'ai beau chercher d'autres à rêver. Autant le vivre.